Au Québec, on ne cesse de déplorer à juste titre les politiques pour le moins désolantes du gouvernement Harper au Canada. On a tellement à couvrir à ce sujet qu'on ne considère pas toujours les actions très négatives de la diplomatie canadienne sous les conservateurs. On pourrait parler de leur soutien sans condition à Israël, de notre intégration économique qui cherche à poursuivre de plus en plus avec les États-Unis, de leur politique guerrière, mais aujourd'hui, j'aimerais aborder la question des sables, du pétrole, des sables bitumineux. L'objectif des conservateurs, il est bien connu, c'est d'en exporter le plus possible à une clientèle de plus en plus diversifiée. Il faut rappeler que ce pétrole est particulièrement nocif pour l'environnement, il est un grand producteur de gaz à effet de serre, il nécessite un immense gaspillage d'eau et il est destructeur pour l'environnement immédiat dans les lieux où il est exploité. Pour toutes ces raisons, mais surtout pour réduire leurs émissions des gaz à effet de serre, les Européens projettent d'adopter une directive sur la qualité du carburant. Alors, l'objectif de cette directive des Européens, c'est de restreindre le plus possible la consommation des carburants producteurs de gaz à effet de serre. Or, le Canada fait une campagne de lobbyisme intensif pour contrer la directive. Selon les Amis de la Terre, en juillet 2011, les lobbies canadiens avaient organisé 110 événements auprès des institutions européennes dans le but de contrer la directive. Et on a toutes les raisons de croire que ces événements se sont multipliés depuis et que ça a donné malheureusement d'étonnants résultats. Un comité sur la qualité du carburant a été incapable la semaine dernière de classer le pétrole des sables bitumineux dans une catégorie plus polluante que le pétrole traditionnel. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, donc les grandes puissances européennes, se sont abstenues de se prononcer. Ce qui a fait bondir de joie le gouvernement canadien et désespérer en même temps les environnementalistes. On voit donc tout ce que notre gouvernement est prêt à faire pour exporter notre pétrole sale. Dans ce contexte, il est évident que l'accord économique entre le Canada et l'Union européenne, l'ACG, va dans ce sens et va contribuer à faciliter les exportations de ce pétrole. Alors, ce qu'il faut souhaiter pour l'avenir, c'est que le gouvernement canadien, d'abord, se mêle de ses affaires et laisse les Européens décider ce qui est bon pour eux, et en passant, ce qui est bon pour la planète aussi. Que les environnementalistes poursuivent leur mobilisation, la façon dont les choses tournent montre à quel point ils ont raison et il faut leur souhaiter de trouver tous les appuis nécessaires. Et il faut souhaiter que la lutte contre l'ACG, donc l'accord le Canada-Union européenne, s'intensifie. On voit à quel point les enjeux environnementaux sont importants aussi dans cet accord. Il faut donc se préparer pour une dure bataille.